Pourquoi n'êtes-vous pas sorti, vous? Êtes-vous de celles qui partent? Je n'en suis pas digne, monseigneur. Ah, toujours des insolences, ces filles. Elles sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. Oui, le démon qui a dit « je n'obéirai pas », mais cela est connu. On est d'autant plus solide sur les mœurs qu'on est plus suspect sur la doctrine. La religion a ses mystères, mais le mal, lui aussi, a les siens. L'un d'eux est le mystère de l'injustice. Qu'est-ce là? De la théologie. Et qu'êtes-vous? Une philosophe? Une dogmatiseuse? À Port-Royal, il arrive toujours un temps où l'on advance soit une personne de cette espèce. Combien y a-t-il que vous êtes ici? 5 ans. Trois de profession, 2 de noviciat. Mais la première année ne compte pas. Je l'ai passée en enfant et l'on ne pensait à moi que pour me renvoyer. Mais il me semble à présent que je vous reconnais. Monsieur votre père, eh bien monsieur le président Clouard. Oui, monseigneur. Vous êtes une jolie fille. Une fort jolie fille. Mais vous êtes une raisonneuse. Ah, cela est dans le sang. Et qu'est-ce que ce mystère de l'injustice? Où avez-vous trouvé cela? Là! On nous fait des interrogatoires que l'on conclut en nous disant que nous sommes des filles parfaites, puis on nous condamne. Ensuite, on cherche à nous rendre coupables pour justifier notre condamnation. À quoi bon les interrogatoires si le procès est jugé par avance? Si nous sommes de ceux dont l'écriture dit que déjà ils sont condamnés, nous sommes condamnés de tous côtés. Ne dites pas que la justice du roi est jugée par avance, ma sœur. Voilà des paroles qui ne vous feraient pas de bien dans un procès verbal. Écoutez-moi. Il y a le pape, ou plutôt deux papes, car deux papes ont pape. Puis il y a le roi, puis les évêques, les docteurs, les communautés. Et tout le monde est d'accord. Sauf une poignée de filles, dont quelques-unes comme vous sont de petites filles. Et qui veulent faire la loi aux savants et aux autorités. C'est là une révolte qui est intolérable. Dans tous les ordres, où irions-nous si chacun se mettait à penser personnellement? Il y a un credo, il y a un canon, il y a les supérieurs et les inférieurs. Pourquoi pensez-vous que Dieu ait mis des hommes sur nos têtes, si ce n'est afin qu'on leur obéisse? Nous vivons, Dieu merci, dans un royaume où le subalterne reste toujours en sa place. Pour autant que j'y ai parlé, il ne sera pas dit que cet ordre naturel soit renversé. Alors ça je ne l'admettrai jamais. Et pensez qu'on vous demandait si peu. On vous demandait d'être comme les autres. Vous entendez? Simplement comme les autres. Nous sommes différentes. Et c'est en effet le seul grief qu'on ait contre nous. Nous sommes différentes. Mais le christianisme est différent, monseigneur. À mon tour, je vous dirai, écoutez-moi, écoutez ceci. Dans un village, il y avait un ecclésiastique qui passait son temps à lire son bréviaire. Alors, on commença de l'appeler Jansénis. Dans un couvent, il y avait de petits pensionnaires qui allaient toujours les yeux baissés. Alors, on se mit à les traiter de jansénistes. En tout endroit dans le monde où le christianisme est pris au sérieux un peu plus qu'ailleurs, on appelle jansénistes ceux qui le prennent ainsi et on les traite en maudits, en pestiférés. C'est l'amour que nous portons à Dieu qui nous attire la haine du monde. Le monde nous hait comme il haït Jésus-Christ. Mais oui. Vous êtes des saintes. Oh, la sainteté, la sainteté. Vous vivez avec les yeux levés, vous baissez. Moi, je suis obligé de regarder à hauteur d'homme. Je dois manier les hommes, me servir d'eux. Et tout cela le plus chrétiennement possible. L'art de vivre avec son prochain ne s'apprend pas dans les nuages, ni dans les prières. Nous savons cela, monseigneur, nous sommes une communauté. Non. Dites quelque chose, ma sœur, soutenez-moi. Dieu nous a fait la grâce que nous fussions instruites, et beaucoup plus fondées dans les véritables principes de la religion et de la piété, que ne le sont une infinité de personnes religieuses. Dieu a tellement uni notre cause à celle de l'Église, qu'il semble que ce soit deux choses inséparables, et qu'on ne puisse ni l'opprimer, ni la défendre, sans nous opprimer ou nous défendre avec elle. L'Église, c'est vous? Et vous seul? N'est-ce pas là encore des paroles inouïes? Mais voilà le plus grand orgueil de fille que j'ai jamais connu. Monsieur de Saint-Cyran n'a-t-il pas dit, il y a 600 ans, qu'il n'y a plus d'Église? Oui, cela est pour nous. De là, cette rigueur qui enfle la présomption, nourrit le dédain, entretient un chagrin superbe et un esprit de fastueuse singularité. fait paraître au monde la vertu trop pesante, l'évangile excessif, le christianisme impossible. Le monde est déjà si près de trouver le christianisme trop austère. Et vous y ajoutez, que diendrons-nous quand tous se détourneront d'une religion rendue impraticable? Vous voulez le nombre, nous voulons la pureté. Nous n'aimons pas les demi-chrétiens. Nous ne voulons pas le nombre, nous voulons seulement continuer d'exister. Les puissants veulent continuer d'exister, et au prix de n'importe quelle compromission. Périssent les principes plutôt que leur puissance. C'est pourquoi ils sont contre nous et c'est pourquoi nous sommes condamnés. S'il n'y avait pas des ecclésiastiques qui fussent des politiques, et vous les comptez parmi les puissants, n'est-il pas vrai? Il n'y aurait jamais eu d'église, ou elle n'eût pas duré longtemps. Et vous, filles de Port-Royal, vous n'existeriez même pas, non plus que vous, messieurs. Après tout, c'est un évêque de Paris qui vous a fondé. Plus d'adieu que nous n'existions pas, si c'est pour le payer de ce prix. Ce mal du monde, avec lequel il faut traiter et vivre, et qui parfois nous salit au passage. C'est nous qu'il prononce sur nous, pour que vous demeuriez sans tache en vos clôtures. Et vous nous l'embrassez. Oh! Vous êtes, monseigneur, de l'Académie française. Monsieur Arnaud d'Andilly, le père de notre sœur Angélique, a refusé d'en être, et non sans quelque éclat. Mais tout se tient sur toute la ligne. Vous êtes une folle, une impertinente, qui ne savait ce que vous dites. Refuser l'Académie est une vanité comme une autre. Elle fait partie de ce faux honneur auquel vous vous entendez si bien. Parce que les mœurs de ces filles sont bonnes, elles se croient tout permis. Mais il est vain que les mœurs soient bonnes quand l'esprit est faussé. Toutes vos œuvres sont perdues, et vous aussi, si vous déviez sur un seul point. Et pas tout d'avoir la conduite et les sentiments que veut l'Église. Il faut aussi parler comme l'Église parle aujourd'hui. Aujourd'hui? Ben, aujourd'hui et toujours. Oui, mais d'abord, vous aviez dit aujourd'hui, monseigneur. Que voulez-vous me faire dire? Oh, quelle joie de penser qu'un mot ait pu m'échapper. Oui, vous voulez dire qu'il y a un christianisme qui change, qui tourne à tout vent de doctrine, qui se met au ton du jour. Et un christianisme immuable, le vrai, qui est le vôtre. Monsieur l'archevêque est entré, le siècle est entré avec lui. Nous sommes l'éternité. Le christianisme a été une œuvre parfaite dès le principe parce que divine. Nous n'entendons pas qu'on soit sans cesse à le retoucher. C'est l'hérésie qui innove toujours. Ainsi, c'est moi. C'est nous qui sommes hérétiques. Mais n'y a-t-il pas du diable là-dedans? Et de la femme? Que vous parveniez ainsi à retourner les choses sans cesse? C'est par de telles paroles, je vous dis, que vous portez le coup le plus dur à votre maison. Moi, porter un coup à ma maison? Alors que je crois que je ne la comprends que d'aujourd'hui. Ouais. Que pensez-vous de la grâce? Ne vous a-t-on point parlé de son efficace? Que faut-il en croire? Nous n'avons jamais été instruites là-dessus, monseigneur. Ces questions ne sont pas de notre sexe. Et je vous supplie de me dire ce qu'il en faut croire. Voyez-vous ça, elle a peur de se couper. Oui, oui, nous prétendons en savoir plus que quiconque. Nous raisonnons, nous ergotons. Mais quand on nous interroge, nous faisons la bête. Ceci n'est point de mon sexe. Il y aura une seconde fournée, je vous le dis. Et cette fois, on ne vous manquera pas. Vous aussi, vous serez retranchés. Oh, je ne serai pas retranché de celui qui est en moi. Vous en êtes retranché déjà plus que vous ne pensez. Monseigneur, est-ce vous qui parlez ainsi? Mais notre Seigneur a parlé aux démons plus doucement que vous ne parlez à vos filles. Il n'y avait que Monsieur Bert à ce jour pour nous menacer de l'enfer, pour nous rapprocher des sorcières, des possédés d'Ausson. Cela passait cependant. Mais il suffit que notre pasteur nous parle pour nous faire pleurer. Mais si vous étiez un calviniste encore ou un étranger, que sais-je, un anglais, un espagnol, mais aimez-vous notre père et lui, notre roi. Taisez-vous, ne pleurez pas, vous n'en avez pas de sujet. Là, je pleure de la douleur d'avoir raison. Moi aussi j'ai raison, et je ne pleure pas. La vraie piété n'arrête point les larmes. Elle les fait couler où il faut. Il y a un autre Dieu que les dieux de la terre qui se sont établis pour juger et pour n'être jugés de personne. Il y a un autre juge dans le ciel qui nous rendra plus de justice. Il y a un autre monde où nous serons préservés de vous. Allez, allez, allez, vous ne mourrez pas avant que de me revoir. Et je vous réponds que ce sera bientôt. Mais quand nous serons au ciel, nous verrons comme les choses iront. Voilà une dangereuse petite fille. Et folles. Elles sont toutes des folles. Mais attention, il y a, dans tout ce qu'elles disent, et surtout celles qui sont un peu expertes, un entortillement de raison qui fait que pour un peu, on se sentirait coupable à un certain point de leur discours si le bon sens ne vous revenait pas. Mais j'ai mon bon sens, mordieu. Je ne veux qu'une chose, que vous obéissiez. Je n'aurai pas le dernier mot avec vous. Ah non, il ne sera pas dit que de petites religieuses tiendront tête à un archevêque et à un archevêque de Paris, comme moi. Ah non, non, non, ça vous ne l'emporterez pas sur moi. Une petite religieuse, une fille de néant. Alors est-ce qu'elles viennent, celles qui partent? On a usé assez de douceur. Si elles viennent pas de bon gré, on les prendra à quatre par la tête et par les pieds, on les fera sortir de force. Ah, ma fièvre me reprend. Mais ça t'est arrivé avec toutes ces histoires. La religion est chose difficile. Tiens, ah tiens, voilà Madeleine Christine. Oula, oula, oula. Voilà Madelon Briquet. Oui, je l'appelle Madelon parce que j'ai bien connu son père. C'était Monsieur Briquet, l'avocat général. Alors pourquoi allons-nous au carrosse? On ne nous enlève pas, que je sache. Mais il n'y a pas moyen. Il faut désobéir en tout. Ton tour viendra bientôt, Madelon Briquet. Oh, grand Dieu, ce bonheur. Je me suis trompé encore une fois. Monseigneur, je suis partie d'avec vous si fâchée que je n'ai pas pensé à vous demander votre bénédiction. Je vous la demande très humblement, Monseigneur. Mais prenez garde. On a les yeux sur vous. C'est cela qui gâte tout, d'avoir de si grands esprits. Vous n'aimez pas les demi-chrétiens? Nous n'aimons pas les demi-savantes. Dans les communautés bien réglées, on ne donne jamais les charges à des filles qui ont de l'esprit. On laisse ces filles à leur cellule. Car on sait bien que les personnes intelligentes brouillent toujours quelque chose dans une communauté. Et maintenant, retournez à votre chambre pour entendre parler Dieu. Il y a une si belle parole de l'Écriture. Et attendez que je me la rappelle. Et comment est-ce donc? Ducam et amin. Oui, c'est ça. Ducam et amin solitudinem et loquar ad cor et jus. Comment cela m'échappait-il? Ah, ma pauvre sœur Clouard, nous avons trop de choses dans la tête. C'est que je n'ai pas que vous. J'ai mon diocèse à gouverner. Monseigneur, les carrosses sont rangées. Ma mère. Monseigneur, je vous demande votre bénédiction. Puis-je savoir où vous m'envoyez? Allez, sortez. Où l'on vous envoie, il suffit que je le sache. Je me recommande à vos prières. Je vous demande pardon, ma sœur, si je vous ai jamais offensé. En raison de mes infirmités, permettez-moi de ne pas me mettre à genoux une seconde fois et de vous le demander seulement les mains jointes. Vous avez souffert? Vos prières seront bonnes. Ne m'y oubliez pas. Les hommes qui nous persécutent doivent être l'objet spécial de notre tendresse et de nos prières. Moi, vous persécutez? Je vous proteste qu'il n'y a que moi et une autre personne de la cour qui empêche qu'on vous persécute d'une autre sorte. Pourquoi me craignez-vous? On s'est fait ici une habitude du tremblement. Je veux que vous m'aimiez. Vous ne serez que meilleur de tout ce qui s'est passé. Hélas. Et qui donc sait mieux que vous qu'on ne trouve la croix qu'au pied de la croix? Et là-dessus, je vous puis bien donner une assurance. Celles qui aiment à souffrir seront satisfaites. Mais attention, si vous pensez qu'il n'y a qu'à souffrir pour être sauvé, vous vous tromperiez fort. On a beau souffrir, quand on est hors de l'Église, cela ne sert de rien. Combien y a-t-il eu d'hérétiques qui se sont exposés au supplice, que dis-je, qui le convoitaient et qui maintenant brûlent dans le feu? Le diable, lui aussi, a ses martyrs. Je vois que rien ne me sera épargné. Vous n'avez pas même notion de ce que je vous épargne. Et vous, êtes-vous de celles qui épargnez beaucoup aux autres? Et moi, suis-je un homme qu'on épargne? Toujours traversé, bafoué, calomnié. Vous ne savez pas ce qu'est ma vie. Monseigneur, où me mène-t-on? M'est-il permis de le savoir? Aux Annonciades, sur le boulevard. Quelle y sera ma condition? je ne vous le cache pas, elle sera délire. Vous ne verrez personne. Vous ne vous entretiendrez avec personne qu'avec celle qui vient vous voir si toujours vous vous opiniâtrez. Cela est rude, mais il le faut. Sommes-nous excommuniés? Excusez-moi d'étourdissement, je ne sais même plus tout ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas excommunié pour l'heure. Qui dirige les Annonciades? Je ne vous le cache pas, des jésuites. Ce sont des jésuites qui ont fait leur constitution et qui sont presque leurs fondateurs. Sans doute il n'est pas prévu. Combien de temps durera cette réclusion? Tant que vous ne changerez pas. Ni combien de temps je serai privé des sacrements? Tant que vous ne changerez pas. Serais-je enfermé avec d'autres de nos sœurs? Serons-nous deux au moins par cellule? Non, je serai seul. Monseigneur, ne nous mettez pas dans le vide. Il n'y en a que Dieu quitterait ou qui se quitterait elle-même. Elle tomberait en poussière. Vous ne savez pas ce que vous tentez. Du moins, il n'y a pas de tentation pour la sœur Angélique de Saint-Jean. Lui demandez pas plus que ses forces ne peuvent porter. Obéissez, et l'on ne vous demandera plus rien. Mais rappelez-vous ceci, que je vous dis pour la dernière fois. Dans le même temps que vous ôtez de la religion le libre arbitre, vous y insinuez un esprit de liberté. Liberté hors du joug du pape. Liberté hors du joug des jésuites. Liberté de l'homme dans son examen de la parole de Dieu. Vous haïssez tout ce qui respire l'autorité et surtout l'autorité d'un seul. Liberté, vérité, pureté, voilà votre cri de guerre. Or la pureté c'est moi, et ce que je représente qui la défend, et c'est vous autres qui tendez à la corrompre. Et la vérité il n'y en a qu'une, celle qui est donnée par le pape et sur laquelle tous les fidèles sont d'accord. Cette petite personne a dit que le christianisme était différent, certes, et c'est sa gloire de l'être. Mais il n'y a pas à être différent à l'intérieur du christianisme, quand on laisse là un nom, et c'est justement ce nom-là qu'on jette à celui-ci. Je sais très bien comment vos amis parlent et écrivent de moi. Je sais qu'on me publie pour un furieux, et un ridicule, et ceci, et cela. Il y a toujours des grenouilles qui coassent dans les marais de Port-Royal. Je ne suis en effet qu'un humble serviteur de Dieu, bien infirme, bien privé peut-être de lumière propre, bien indigne peut-être. Mais le service que je le fais selon ma conscience. Et je le fais d'une force inébranlable, car c'est l'unique vérité que je sais. Encore ne parlais-je pas du service du roi que je fais du même coup. Tout ce qui cause du trouble dans la religion en cause aussi dans l'État. Ce sont les propres mots que me dit monsieur le cardinal de Richelieu lorsqu'il fit arrêter monsieur de Saint-Cyran. Et le roi lui-même me les a redits bien des fois. Aussi je suis très fort, servant à la fois la vérité et l'État. Et c'est pourquoi je vous donne l'assurance que tout rentrera dans l'ordre. Ou par moi, ou par ceux qui viendront après moi. Nous avons commencé, nous achèverons. Bien sûr, vous allez partir. Je vous bénis. Et je bénis en vous le mouvement par lequel vous me comprendrez et signerez.